croissant, quelques billets dedans ses mains tremblantes. Croissant quelques billets du bout de ses doigts, quelques billets froissés pour un passe-pêteux. À garde le sorti de la salle des ventes, je la fis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus, pas même ce souvenir aujourd'hui disparu. Beaucoup de vos objets vous ont été donnés par le public, objets envoyés, lancés par la fenêtre de la voiture quand vous quittiez les théâtres, avec quelques mots griffonnés, souvent sans adresse. Je me souviens d'un jeune couple installé tout au bord de la Seine un soir à Montréal. À la fin de ma plus belle histoire d'amour, brusquement, la femme, après avoir échangé un regard avec son mari, retire son alliance et me la met dans la main qu'elle maintient fermée. Cette situation s'est reproduite un soir à Pantin, la même exactement, avec le même geste. J'ai toujours ces deux alliances, l'une en or jaune, l'autre en or rose, gravée. Vous avez souvent quitté les théâtres dans une voiture surchargée de fleurs. Quand les bouquets étaient trop importants, les chauffeurs des camions les arrimaient délicatement sur une tringle qu'ils avaient installée dans leur remorque, pour que les fleurs puissent suivre la tournée sans trop souffrir. Je crois que les objets qu'on aime sont faits pour circuler. Je peux avoir envie de les donner, comme ça, à des gens que je ne connais pas mais qui me touchent. De cette façon-là, j'ai donné beaucoup d'objets, de petite ou grande valeur, peu importe, je ne les ai jamais regrettés. Il y a tant de plaisir à donner, à lire la joie et l'étonnement dans le regard de l'autre. Il pleut. Il pleut sur les jardins alambis, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli, la pluie. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Vous avez été nomade dès l'enfance, avec toutes ces villes traversées, ces maisons à peine habitées, jusqu'à l'appartement de la rue Vitruve, dans le 20e à Paris. Une forteresse. Le dernier appartement avant l'éclatement de la famille. Pas très loin de la porte de Montreuil, près de la si jolie rue Saint-Blaise et de sa vieille église. Le 50 de la rue Vitruve. C'est un vieil et modeste immeuble de 5 étages, avec une cour intérieure. Nous habitons au second. L'appartement est assez sombre. Souvent, nous regardons par la fenêtre et échangeons des signes avec d'autres enfants. De cette cour nous parviennent les éclats de disputes entre locataires, les cris d'enfants qui jouent. La cour résonne. Elle est grise, sans soleil. Vous quittez Vitruve à 17 ans après le départ de votre père. De petites chambres bruxelloises en grand hôtel, dont vous n'arrivez pas à honorer la note, vous vivez à droite à gauche, aimant votre vie de voyageuse, revenant parfois à Vitruve voir votre mère et vos frères et sœurs. En 1961, vous avez 21 ans et un amant qui vit à Abidjan, Hubert. C'est cet homme avec lequel vous entretenez une relation tumultueuse qui décide de vous trouver un appartement. Il vous installe dans le 16e arrondissement à Rémusat. Très vite, Hubert repart, me laissant seul décider de l'installation. Au 7e étage, avec une grande porte-fenêtre s'ouvrant sur une terrasse, Rémusat devient une chambre bleu nuit et gris bleu, puis beige, or, puis encore bleu nuit. J'ai une place pour moi seul. Je suis installée. J'ai plein de parfums, de chaussures, de gants, de bracelets d'argent, de fouillis en dentelle. Je ne me rappelle plus comment le rocking chair noir arrive un jour à Rémusat. Mais déjà, je m'y cale. Je m'y love, j'y suis bien. Rassurée par son balancement, je regarde le ciel ouvert. Plus tard, un jour de général, morte de peur, je l'emporterai sur scène pour y avoir un objet de Rémusat qui me rassure. Vous faites quelques séjours en clinique après avoir voulu mourir sans vraiment mourir. Vous revenez à Rémusat comme vous revenez au monde. Rémusat, mon Rémusat. Ma maison de soleil et de neige. Le bonheur que j'éprouve à pousser la porte et tout de suite à vous voir, vous, mon piano. Et cette odeur de poivre, Rémusat. La pénombre bleue de ma chambre bleue. Jardin de tant d'amour orageux et tendre. Peu après votre séparation définitive avec Hubert, votre mère vient vous rejoindre à Rémusat. Vous êtes heureuse de vous retrouver. Elle occupe une chambre indépendante. Souvent, votre frère Claude vient aussi. C'est à la même époque que Nounou fait son entrée à Rémusat. Martiniquaise, sculpturale et rieuse, elle cherche du travail et je l'engage d'emblée. Elle restera 7 ans. Des jours beauté, des jours peine, des jours colère. Elle sait lire mes humeurs, mes silences. Elle refuse que je prête ou donne mes affaires. Elle est persuadée qu'on enfonce des aiguilles dans des poupées à mon effigie pour me faire du mal. Elle prétend que les sorcières s'envolent à califourchon sur leur balai au petit matin. Quand je rentre de gala, ils sont parfois 10 dans la cuisine, tous cousins. Elle me déchausse. Ils sont 10 à me faire une tisane, à me coucher, à faire silence, à refermer la porte. En 1967, peu après la mort brutale de votre mère, vous quittez Rémusat. Vous ne m'avez pas quitté. Le jour où vous êtes parti, vous êtes à mes côtés. Depuis que vous êtes parti, et passe un jour, ne se passe pas une heure en vérité. Au fil du temps qui passe, où vous n'êtes à mes côtés. Moi j'ai quitté Rémusat. Depuis que vous êtes parti, c'était triste, Rémusat. Depuis que vous n'étiez plus là, et j'ai repris ma valise, mes lunettes et mes chansons, et j'ai refermé la porte en murmurant votre nom. Sans bottines, sans pèlerine, mais avec un chagrin d'enfant, je suis restée orpheline. C'est bête, à 40 ans c'est drôle, jamais l'on ne pense qu'au-dessus de 18 ans, on peut être une orpheline en étant plus une enfant. Où êtes-vous, ma nomade? Où êtes-vous à présent? Avec votre âme nomade, vous voyagez dans le temps. Et lorsque les saisons passent, connaissez-vous le printemps? Vous qui aimiez tant la grâce des lilas mauves et blancs, que vos étés se fleurissent dans votre pays, là-bas, aux senteurs odorantes d'une fleur de mimosa. Que votre hiver se réchauffe au coin d'une cheminée, que les saisons vous soient douces, vous avez tant mérité. Vous disiez pas une larme le jour où je n'y serai plus, et c'est pour vous que je chante, pour vous que je continue. Pourtant quand je me fais lourde, oh que j'aimerais poser mon chagrin à votre épaule, ma tête sur vos genoux. Vous ne m'avez pas quitté. depuis que vous êtes partie, vous m'avez fait orpheline. Le jour où vous êtes partie, et je suis une orpheline depuis que vous m'avez quittée. Il faudra attendre 1973 pour que vous posiez de nouveau vos bagages. Pour la première fois, vous voilà propriétaire d'une grande maison à la campagne, à environ 40 kilomètres de Paris, à Précy-sur-Marne. C'est une ancienne ferme composée de 4 bâtiments. Vous y resterez jusqu'à la fin de votre vie. Au début, à Précy, j'étais tricoteuse, ragouteuse, jardinière. Ah, ces nuits à tricoter jusqu'au matin. La laine, le coton ou le velours chenille, les écrus, les marrons glacés, les chocolats ou les gris perlés. Quand je me perdais dans les augmentations-diminutions de la côte cheval, de la côte plate, de la côte torsadée, avec des aiguilles de 3, voire 8, que je terminais même parfois sans complexe avec du 12, comme je l'ai aimé le tricot. Comme je l'ai aimé, prise dans les pièges de ces mailles perdues, lâchées, reprises. Précy, ce sont aussi de grandes tablées d'amis pour qui vous aimez cuisiner. Vous qui ne sortez jamais. En ai-je alimenté des amis, fricoté des ragoûts. Toujours incapable de réussir deux fois la même recette. Je surépissais de poivre gris, noir, vert, de coriandre, de ras el hanout ou de curry à vous emporter la langue, la bouche, le gosier et tout ce qui s'ensuit. Et Précy, c'est enfin et surtout un jardin, le vôtre. Précy jardin. Précy, au jardin de Précy, Précy, pour que j'aime tes soins de mélancolie, mélancolie jardin, à ciel ouvert, jardin. Est-ce déjà le paradis, Précy? Oh, que j'aime t'attendre le soir, Précy. Silence, juste le clocher qui sonne minuit. Les oiseaux de soie qui se glissent et les pivoines endormies. Et les glycines qui frémissent au jardin, jardin de Précy. Oh ma merveille, oh mon pays, suis-je déjà en paradis? Précy, bien sûr, un jour je m'en irai d'ici, plus loin. Notre pays, mais si je peux vouloir quelque chose, j'aimerais savoir que fleurissent mes roses à ciel ouvert pour ceux qui s'aiment, à ciel ouvert que tu deviennes un square. La nuit, j'arrose passionnément. Je regarde la terre se gorger d'eau, de cette belle eau claire qui ravive les fleurs asphyxiées sous les chaleurs poisseuses du mois d'août. Le cul dans la terre, je contemple mes fleurs. Émerveillée, j'ai découvert qu'une toute petite graine pouvait donner un joli, pâle, parme rose pois de senteur. En ai-je planté, semé, bouturé, marcoté, tuteuré des plantes et des fleurs? Vous vous sentez bien, Précy. Vous participez discrètement à la vie du village, mais vous sortez peu. Un jour, vous décidez de transformer l'ancienne grange en petit théâtre. Vous y installez une scène et tout le matériel nécessaire pour répéter vos spectacles avec musiciens et techniciens. Ainsi, même pour travailler, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Et quand vous acceptez de rencontrer un journaliste,